choisis pas le jour où tombe la pluie. On ne choisit pas l'amour, c'est l'amour qui choisit. Je croyais te garder à travers 100 000 étés. On s'est dit oui pour la vie et l'on se quitte aujourd'hui. On ne choisit pas le jour où tombe la pluie. Quand le ciel se fait trop lourd, on pleure avec lui. Aujourd'hui ce n'est rien, mais demain tu seras loin. Et mon cœur devra voyager à la recherche du passé. On ne choisit pas le jour, on ne choisit pas. Les choses n'ont plus jamais ce goût de rose que tu leur donnais. Le monde tournera sans toi comme un manège sans joie. Je t'aime, ça ne suffit pas pour que tu restes, ni pour que tes bras se ferment encore une fois sur ce que j'aime de toi. On ne choisit pas le jour où tombe la pluie. On ne choisit pas l'amour, c'est l'amour qui choisit. Si les dés sont jetés, si ton cœur a décidé, on ne peut plus revenir, on n'a plus rien à se dire. On ne choisit pas le jour où tombe la pluie. Quand le ciel se fait trop lourd, on pleure avec lui. Aujourd'hui ce n'est rien, mais demain tu seras loin. Je préfère ne pas y penser, je préfère t'aimer au passé. Non, on ne choisit pas le jour, on ne choisit pas. On ne choisit pas le jour, on ne choisit pas. On ne choisit pas le jour, on ne choisit pas.